raconte ses rêves de gloire. Les étoiles s'inclinent dans sa voix. Mais les frères entendent une menace là où Dieu posait un choix. La jalousie s'enflamme dans les regards. Le manteau devient un reproche. Et le sang tache la promesse quand le frère est vendu si proche. Les desseins de Dieu traversent même les trahisons humaines. Même quand le rêve est brisé et jeté dans un puits sans fond, tu tisses encore l'avenir à travers nos reniements. Même quand le rêve est brisé et vendu pour quelques pièces, ta promesse descend dans la nuit pour préparer un matin de justice. Tu que tu donnes.